10-38, observation, forme masculine et féminine, révision et extension. Masculin, fin. Féminin, fine. Cousin, cousine. Malin, maligne. Gamin, gamine. Sérieux, sérieuse. Généreux, généreuse. Ennuyeux, ennuyeuse. Beau, belle. Nouveau, nouvelle. Mortel, mortel. Vieux, vieille. Sourd, sourde. Fier, fière. Premier, première. Blanc, blanche. Frais, fraîche. Amusant, amusante. Suivant, suivante. Tombant, tombante. Idiot, idiote. Notez que le R de fier au masculin est prononcé. Et pour maligne, on trouve aussi maligne.